ok ok, F-R-O, on fait notre boulot, on fait notre boulot, 80-700, ok, fleur et mère Gis. J'fais mon taf, mais t'exposer sur une instru que je détruis gros, à son insu. Les jaloux sont déçus par mon terroriste phrasé. Si tu manges mes rimes gros, tu seras jamais rassasié. J'fais mon boulot, mon flow se boit au goulot. J'vise le but comme Eto'o, j'suis tout en haut. Ma dream team c'est la Toho, alliance F-R-O. On est super héros, dresse les taureaux pour quelques euros. J'fais mon job, faut que les MC en rentrent de chambre. À la bouche un joint de chambre et se prennent pour des durs. Mais dors dans les ordures de ce décor. Dans la hure, survivre c'est un sport de combat. En évitant les coups bas, les coups de bâton sur ce béton, nous on s'en bat les couilles. A la fin de mon 16 ramasse les douillas. De mon lyrical zifu, laisse-moi faire mon taf rouille. Nos blazes imprimés sur le bitume, et bitume, nos sons te saoulent et tu titubes. Évitant les coups de casse, nous on s'empresse, le temps presse. ROF tire un jour, mon gros faut que ça perce, on fait notre taf. Y'a plus de temps de jouer, mérite les clés de mon gré démontré. Les deux mecs ont trop de classe. On fait pas ça à moi, t'es motivé, prends ça comme un métier. Indifférent, j'suis pas le genre du type dans le mouvement. J'suis hal et pas en train de squatter, châtelet les hal. Le phénomène s'amène, façon wall le gain, sans welcome comme again. Pour les boucles de l'Essonne, faut que l'Essonne des rimes de haine. Pas pour les grosses chiennes, à la peau qu'aura M. Suis mon thème, j'veux faut que t'aimes, j'fais mon taf, fumer des baffes. Mais moi ça grave, grave comme un graphe. J'ai mon emblème, TTS, c'est quoi le problème? J'mets du cœur de ma peur et quelques coups sans pleurs. J'rappe avec honneur, pas des conneurs, avec F-tireur, j'remets les pendules à l'heure. Beaucoup pensent que je rigole, je vise le top, j'aime pas le monopole, j'suis pote même sans coup de bol, une feuille blanche, j'ai noir si sinon en main, tu rap j'ai le CDI, je deviens écrivain de la vie, si loin quand tu m'écoutes, ton hypocrite sur ma route, du voyage, laisse-moi sortir de la soute. Je fais mon taf, fais mon taf, taf. Nos blazes imprimés sur le bitume, le bitume, nos sons te saoulent et tu titubes. Évitant les coups de casse, nous on s'empresse, le temps presse. ROF tire un jour, mon gros faut que ça perce, on fait notre taf. Y'a plus de temps de jouer, mes rimes, j'l'écris de mon gré démontré. Les deux mecs ont trop de classe. On fait pas ça à moi, t'es motivé, prends ça comme un métier. Ouais, ok, Roi, bien, on a bien fait notre taf, hein, ici. Hein. Ouais, normal, pépère. Hein. Ouais, Cheska, bien voir. Ouais, les gars, alors, on peut ça, vas-y, ça, là. Ça va la normal, pêche, hein. La... Mais notre taf, normal. Hein. Ah, on a posé un petit truc, pépère. Hein. Ah, mais je crois, moi, j'ai un petit job alors s'il y a du taf. Hein. Ah ouais. On a un truc pour toi au black en plus. Ouais, ah, vas-y, hein. Faut que tu fasses ça bien, Cheska. Vas-y, écoute ça. Normal. Ok, c'est parti, mon gros. Vas-y. Balance la sauce. Yeah, hey yo, quand je rappe, tu sais que c'est pour augmenter mon coefficient. J'suis plein d'idées et de fiction, comme un gamin qui a fait science. Parmi les faux, on reste vrai cousin complexe ou pas. Yeah, pas de couplet sympa juste pour décupler ses parts. Yeah, je vis ma vie de rappeur et puis tant pis si elle est terre. Chez moi ou assis à l'hôtel, je dois remuer si elle est terre. Évidemment, évidemment, mais que ce sont pas sous garantie. Le commercial, c'est une routine, le rap français, c'est garantie. Il reste frais, moi je vois trop de faux accumulants. Je rappe pas pour l'argent, je fais partie de ceux qui aiment l'encre. Et ouais, si la vérité peut nous aider pour congément, garde d'engagement. Besoin d'engagement, putain. Trop d'MC plus la merde. Besoin de désodorisant. Ces bâtards se font connaître, passant sur des ondes en rusant. Perdre la raison, perdre la raison. Mais nous on se donne corps et âme. Je dis la vérité et quand j'écris on est d'accord. C'est moi. F-T-R-S kamikaze. Au micro, on balance nos chécros. Trop les crocs du micro. Chut, ferme ta gueule. Écoute nos mots, écoute nos mots. On fait notre boulot. F-T-R-S kamikaze. Au micro, on balance nos chécros. Trop les crocs du micro. Chut, ferme ta gueule. Écoute nos mots, écoute.